Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, le sexe comme objet, savoir et sexualité. Une série documentaire de Delphine Saltel, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'envie de parler de sexe sans tomber dans les ornières habituelles et l'anniversaire d'une loi qui avait ouvert grand la porte de la légèreté sexuelle aux femmes par la magie d'un cachet blanc. Il y a aussi la parution du dernier volume de Michel Foucault sur l'histoire de la sexualité qui arrive étrangement tard et reste bizarrement d'actualité. Les 1000 questions que l'on aimerait poser, le tabou qui nous empêche de le faire et nos expériences ordinaires. Mais au fur et à mesure des images, des sensations qui nous reviennent, il y a l'envie de montrer que le sexe aussi est un objet de recherche comme les autres, y compris dans son versant adolescent, tâtonnant, balbutiant et souvent émouvant. Alors pour commencer, les personnages. Des lycéens mal à l'aise, des lycéennes délurées, d'autres plus timides, des adolescents qui s'observent, des adolescentes lassées d'être jugées, des jeunes qui ne savent pas tout, des intervenants qui jouent la provocation pour désamorcer, et des profs qui y vont, même s'ils n'en mènent pas large. Ensuite, le décor. Des salles de classe, des cours de lycée, des ricanements, des silences, des familles et leurs codes, l'intimité, le collectif et le souci du plaisir. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive dans la cour. Moi, j'ai entendu un truc, ça... Il y a des gens qui disent comme quoi le pénis d'un garçon, ça peut rester bloqué dans le vagin d'une fille. Ça fait peur. Parce que... Mais c'est vrai. Et est-ce que t'as l'information qui te permettrait d'infirmer ou de confirmer cette possibilité? Non. Parce que, enfin, moi, j'ai pas demandé. Bien. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va être une séance un petit peu spéciale, parce que c'est une séance d'éducation à la sexualité. Donc ce sont des séances qui sont organisées dans un cadre qui est précis, qui est défini par la loi. Et ça existe depuis 2003. Et donc vous êtes censé, figurez-vous, avoir, depuis que vous êtes petit, 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Alors qui a eu 3 séances d'éducation à la sexualité par an dans la classe ? Chaque année, hein. Chaque année, hein. Ouais. Donc on est d'accord que c'est quand même pas souvent. Cela dit, c'est dans la loi, et la loi dit que de la maternelle à la terminale, tous les élèves de France ont le droit à 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Sexe, mensonges et grandes questions, quelques séances d'éducation à la sexualité au lycée. En classe de 5e. On avait une classe qui était un peu, comment dire, pervers. Ouais, un peu pervers. Et on a eu des spécialistes qui sont venus exprès dans notre classe pour nous expliquer un peu toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, les garçons, des fois, ils touchaient les fesses des filles. Et après, on en a parlé à l'infirmière. Et après, ils nous avaient ramené une spécialiste. Pour nous faire rendre compte, c'est comme ça qu'on dit, en gros, de la gravité des actes qui s'est passé. Et voilà. Bah après, il y a eu plus d'accidents comme ça. C'était grave. C'était de l'attouchement sexuel. Ils sont lycéens, ils ont l'âge des pulls à capuche et des premières fois. Ils vivent à Bobigny, dans les tours de la cité Karl Marx ou avenue Youri Gagarine. Dans cette commune, melting pot de Seine-Saint-Denis, ex-banlieue rouge. La mairie est passée à droite en 2014, mais le lycée s'appelle encore Louise Michel. C'est un lycée général et technique, classé en zone d'éducation prioritaire, comme tous les autres établissements de la ville. Avec un atelier théâtre, un jardin potager pédagogique, et plus original, un projet sexualité. Des enseignants de lettres et de sciences ont fondé un collectif. Mot d'ordre: prendre enfin au sérieux l'éducation à la sexualité. qui est une mission obligatoire de l'école publique depuis 1973, mais éternel oublié des projets d'établissement. Pas le temps, pas l'argent, trop gênant, trop clivant. Parler et faire parler de sexualité, 2 heures par trimestre, dans chaque classe, de la seconde à la terminale. Donner des mots, des connaissances, des outils, provoquer des rencontres avec des interlocuteurs extérieurs. On écoute comment ça se passe au lycée Louise Michel, comment font les professeurs avec les questions improbables, le choc des générations, les rires gênés, les fausses pudeurs, les vrais tabous. Et on écoute aussi, peut-être surtout, ce qu'en disent les élèves. Ces jeunes gens de 15 à 19 ans qui manœuvrent tant bien que mal entre les injonctions de la famille et du quartier, les vieux schémas de la domination masculine et les messages contemporains, dans cette ambiance étrange, à la fois pudibonde et hypersexuelle. Ce qu'ils comprennent, ce qu'ils entendent, ce qui les brouille, les embrouille ou les libère. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Madame Tétard, je suis l'infirmière, pour ceux qui n'étaient pas descendus. Qu'est-ce qui te fait rire ? Donc je suis l'infirmière et j'ai invité aujourd'hui Stéphane à venir, qui est intervenant au CRIPS dans le cadre du projet d'établissement qu'on a sur l'éducation à la sexualité. Donc aujourd'hui on va parler de vie affective et sexuelle. Voilà, donc... Alors avant de commencer, d'abord bonjour à tous, bonjour à toutes. Parce que j'ai pas tout le monde avec moi, donc je vais attendre. Je me suis rendu compte en 10 ans que la sexualité, c'était peut-être pas simple d'échanger et d'en parler. C'est pas un cours. Mais on est dans une salle de classe, donc ce que j'attends de vous, c'est que vous éleviez un petit peu le niveau de langage. Ici, par exemple, pendant les 2 heures qu'on va passer ensemble, si un élève parle du sexe féminin, la chatte, c'est un animal auquel on donne des croquettes. Elle reste à la maison. Les garçons, c'est pareil. La bite, c'est pour attacher des bateaux. Ouais. La calache, elle reste à l'armurerie. Et l'anaconda dans son vivarium. Non, prononcé en arabe, schneck, ça change rien, hein. C'est pareil quand même. Ça veut dire la même chose. Maintenant, comme c'est vous qui m'avez invité, vous êtes une classe de Seconde. Vous avez, j'imagine, entre 15-16. 15-16 ans. Enfin, on sait déjà. Non. J'entends les réactions. Lorsque monsieur dit « on sait déjà », on a eu des interventions, on a vu au moins tous une fois dans notre vie quelqu'un venir nous faire la fameuse démonstration de comment on pose une capote. Ça, tout le monde l'a eu. Donc là, ici, amener de la matière. Pour moi, il n'y a pas de question idiote. C'est clair ? Alors, je vais vous présenter votre infirmière. Enfin, je ne vais pas vous la présenter parce que vous la connaissez déjà, votre infirmière. D'accord ? Par contre, est-ce que vous connaissez ses missions ? Oui. Que peut faire une infirmière pour vous ? Elle peut donner des préservatifs. Lesquels ? C'est tout ? C'est pas les pilules ? Ah non, ça c'est les méthodes de contraception. Ouais. Ce qu'on appelle une méthode de contraception, c'est un moyen qu'on va utiliser pour ne pas tomber enceinte quand on a une vie sexuelle. Mais ça sert à quoi d'en prendre si on compte pas avoir de rapport ? Ça sert à rien. Ben, des fois, pour certaines filles, ça régule le cycle des menstruations. Effectivement. C'est pas aussi pour les filles qui ont des douleurs ? Oui, effectivement, la prise de contraceptif peut améliorer cette situation. Est-ce qu'on... Allez-y, mademoiselle. Ah oui, j'ai une question. Monsieur, est-ce que, genre, avant qu'ils aient des relations, est-ce que le préservatif, faut le mettre avant ? Parce que si ça, on le met, genre, ils vont direct faire. Mais ça doit être grave gênant si, genre, ils mettent devant elle. Genre, comment ils font ? Genre, non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais, genre, ils mettent avant ou, genre, c'est comment ? Et c'est, et pour la femme, ça existe ? Oui, c'est vrai. Mais genre, c'est comme le micro. La question de la pose du préservatif, là, dans ce que vous dites, effectivement, bien sûr, on peut l'imaginer autant qu'on veut, mais le jour où ça arrive vraiment, il y a moi, il y a l'autre, il y a les émotions, les sensations, comment est-ce que je vais le faire ? À ce qui paraît, il se peut que... Donc, pour faire simple, le préservatif féminin, il peut s'installer à n'importe quel moment. Ça peut être 2 heures avant, Et puis ça peut être au moment où je pense tous les deux qu'on est à peu près d'accord, la femme peut l'installer à ce moment-là. Pour l'homme, c'est plus compliqué. Pour que la pose du préservatif puisse se faire chez un homme, il faut que son sexe soit en érection. Ça va pas ou quoi? Oui. Peut-être on aurait pu commencer, j'aurais bien aimé vous demander justement ce terme d'éducation à la sexualité, c'est comme ça que ça s'appelle dans les textes officiels. Comment vous l'entendez, parce que c'est un mot un peu abstrait, comment vous entendez le mot sexualité, c'est quoi pour vous? Pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour moi, c'est tabou. Chez toi? Oui. C'est comme ça. L'école, c'est le seul endroit où je pense où on peut en parler. Parce qu'à la maison, on ne pose pas de questions, nos parents ne nous parlent pas de ça. Comme s'ils essayaient de nous préserver à ça. Ils ne veulent pas nous en parler. Par exemple, même avec l'actualité maintenant, ce qui se passe, le harcèlement sexuel et tout, quand je suis chez moi, mes parents changent de chaîne ou ils baissent le son. Ils ne veulent pas qu'on entende et tout. Parce que pour eux, ça ne se dit pas. C'est impossible d'en parler. En fait, c'est aussi pas dans la culture. C'est pas comme ça qu'on grandit, en fait. Et nous, ce genre de choses, on l'apprend quand on est marié, c'est tout. Avant, on n'en parle pas, on n'a pas d'image réelle, en fait. C'est tout. Et est-ce que t'as le souvenir quand même d'une chose qui t'a été dite sur la sexualité? Le truc qui revient le plus, c'est pas bien. C'est tout, c'est pas bien. Pourquoi? C'est pas bien. Si t'es pas marié, c'est pas bien. Et c'est tout ce qu'on sait. Moi, je suis pas d'accord avec le silence qu'il y a dessus, mais je suis plutôt d'accord que faut se préserver. Mais se préserver de quoi? De... C'est... En fait, c'est comme... C'est comme si on franchissait un cap. Et je trouve que faire ça avec... Faire ça... Trop tôt, c'est peut-être... je sais pas comment le dire. C'est trop pour nous, en fait. Pour moi, on doit attendre, et voilà. Et toi? J'ai jamais osé en discuter avec mon père. Non, jamais. Arrête, je pense pas que ce soit tabou, mais je pense qu'il va se marrer, de moi, en fait. Du coup, je préfère éviter. On a parlé de quoi là? Pour éviter les grossesses indésirées et puis les maladies. On parle des maladies aussi. On parle de quel âge, quand et pourquoi genre tu peux parler de cul? Moi je pense à partir de, on va dire, 5e, tu peux rentrer dans des sujets crus, on va dire. 6e, c'est quoi? Il y en a. D'où, frère, toi, t'es. Mais ton cœur, il change justement. Le rapport? Mais il commence. Le rapport entre. Tu crois que tu vas mentir à un enfant? Moi je parle de l'école. C'est parce que l'école, en plus d'être laïque, c'est un endroit où tu peux parler de tout. Ouais. Ça veut dire que personne ne va te juger parce que tu parles avec des adultes. Donc plus tu vas apprendre tôt, plus tu vas pas devoir découvrir par toi-même. Après, tu auras honte d'en parler. Pourquoi on avoir honte, en fait? On avoir peur, honte. Pourquoi? Vas-y, maintenant, lève-toi et va au milieu de la classe et raconte-nous tes détails. On va voir si t'as pas honte. Après, moi, je connais pas grand-chose à propos du cul. C'est normal, après, j'ai on est en première, j'ai rien appris pour l'instant de grand-chose. Hein. Peut-être un choc, c'est pour ça. Ah ouais, peut-être un après, je sais pas, mais moi je connais pas grand chose, tu vois. Pourquoi tu connais pas grand chose? Parce qu'on t'a pas appris. Pourquoi, quand on est né, on doit savoir utiliser une capote entre ça? Pourquoi? Mais pas quand t'es né, si je t'ai dit à partir de la 6ème. Tu fais de l'éducation, tes parents, ils t'éduquent, non, frère? Mais tu vas dire à ton père, papa, je suis enceinte, je me suis fait violer. Comment s'informer? J'ai couché. Comment s'informer, frère? Donc c'est tes parents qui vont t'informer, ils vont te dire un jour, fils, si tu raou, mets un préservatif. Non, frère, c'est les adultes qui vont t'apprendre. Mais c'est tes parents. Travail, gros. Bonjour tout le monde. Alors certains d'entre vous me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Moi je suis Madame Paul, je suis professeure de français dans le lycée. Vous connaissez ou pas peut-être mon collègue Monsieur Touan, qui est professeur de SVT dans le lycée. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de voir les thèmes qui vous semblent importants, à quel âge et pourquoi. On va essayer de passer assez vite sur les thèmes sur lesquels tout le monde est d'accord. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais peut-être il faut préciser. L'éducation à la sexualité au lycée Louise Michel, elle se fait de façon progressive. C'est-à-dire qu'en seconde, vous avez discuté d'un certain nombre de stéréotypes. Vous avez peut-être revu un certain nombre de questions d'anatomie avec vos professeurs de SVT. En première, les questions qu'on va aborder sont des questions plus proprement de sexualité. Pourquoi ? Parce que vous avez 17 ans et que 17 ans, c'est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France. Donc vous, qui êtes des élèves de première, vous avez à peu près 17 ans. Donc ça veut dire que votre entrée dans la sexualité, elle est toute proche. Ou, alors il ne s'agit pas du tout de savoir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Mais en tout cas, ça peut peut-être remettre en perspective aussi les informations que vous, vous pensez importantes. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas faire. On ne va pas vous dire ce que vous avez à faire de votre vie. Surtout pas. Et on ne va pas vous donner de cadre. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se prononcer sur un certain nombre de sujets qui relèvent de vos choix à vous. On ne va pas vous dire, par exemple, que pour avoir une sexualité, il faut être marié ou pas. Ça ne nous regarde pas. Si vous choisissez, vous, d'attendre le mariage, c'est un choix respectable. Si vous considérez que le mariage ne fait pas partie de vos perspectives, c'est un choix respectable. De la même manière, on ne se positionne pas sur les questions d'amour. On ne cherche pas à vous dire que pour avoir une sexualité épanouie ou pas épanouie, enfin, bien sûr, nous, on préfère que ce soit épanoui, il faut être amoureux. Là encore, tous les choix sont respectables. Nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est là notre objectif, on essaye de vous donner suffisamment d'informations pour que vous puissiez faire vos choix à vous, sans trop de pression. Alors, est-ce que des gens veulent bien se dévouer pour commencer, ce qui semble important ? En fait, on voulait parler de juste avant la puberté. On parlait de parce que notre corps change à partir de la puberté et les jeunes filles deviennent de vraies femmes et peuvent avoir des enfants. C'est aussi le moment, la puberté, où apparaît quoi ? Les rapports sexuels ? Mais alors justement, les rapports sexuels. Qu'est-ce qui fait qu'on a des rapports sexuels ? Parce qu'on a ? Oui, une fille. Enfin, en tout cas, c'est le désir. La puberté, c'est aussi le moment où apparaît le désir. J'ai l'impression qu'en gros, vous liez le désir sexuel à la puberté et donc inconsciemment à la capacité d'avoir des enfants. En fait, l'idée de désir, elle est liée au fait qu'un rapport sexuel, normalement, enfin, ce qui fait qu'on a des rapports sexuels, c'est parce qu'on recherche quoi ? Voilà, donc c'est la recherche du plaisir. Si on revient à ce que c'est que la sexualité, en fait, la sexualité, à part du... Enfin, c'est du plaisir partagé, en fait. C'est la capacité à donner du plaisir à quelqu'un et à en ressentir soi-même. Le plaisir. J'aime pas trop en parler quand on va dire qu'il y a des garçons. Avec les profs, on avait essayé de déjà faire mixte avec les garçons. Au bout de 2 séances, on a décidé de faire un groupe filles, un groupe garçons, parce que on trouvait que le cours il avançait plus, les filles elles pouvaient plus parler, les garçons aussi. Parce que quand on était mixte, c'était une sorte de gêne. On voulait pas trop en parler devant les autres, parce que sinon ça fait si on se connaît trop, c'est qu'on est on va dire expérimenté, alors que pas du tout. Ou si on en parle pas, bah, c'est qu'on est timide et voilà. Avant, on n'en parlait pas trop et maintenant, ça devient des insultes en fait. Et en même temps, ils parlent de sexualité. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, ça, je pourrais pas dire. Par contre, c'est un peu trop vulgaire, je pense. Vas-y, c'est bon. Bah, vas-y. Il y a des « je baisse ta mère », il y a des trucs hard, « je baisse ta mère » ou « ton père ».« Ta sœur, je la prends » ou « ouais, dans des caves ». Ah, elles sont... Je te fais du sale. Je te prends par devant, par derrière. Suceuse aussi. Ouais. Suceuse. Et c'est à quelle occasion ça ? Non, partout. Enfin. C'est normal. Non, attends, ouais, ça. C'est normal. Bah, pour nous, oui. En fait, on est né dans ça. C'est abusé, mais. C'est pour rire. Ouais, ils le prennent ça à la rigolade. Mais après, peut-être, il y a des gens, ils sont sensibles et eux, ça peut vraiment. Les toucher. Ouais. Tu veux dire que toi, ça te touche pas ? Non. T'es habituée ? C'est normal, on entend ça de partout. Ça te touche plus. Vous, ça vous choque parce que vous n'entendez pas ça. Mais nous, en fait, constamment, il n'y a pas une journée, on n'entend pas un truc comme voilà, ça. Voilà, parce qu'entre jeunes, ça se dit tout. On peut être normal, ça, sale pute. On rigole, en rigolant. Ils le disent en rigolant. Comme, par exemple, il y a un camarade, la semaine dernière, il a dit à un autre camarade, sale suceuse. Du coup, bah, le prof l'a mal pris. Il a dit, comment ça se fait, tu dis ça en cours, nanana. Alors que pour l'élève, c'était tellement... En fait, c'est un mot normal. C'est pas choquant. Du coup, ça a choqué le prof et il l'a exclu de cours. Et moi, déjà aussi, je trouve pas ça normal que quand il y a une fille, on va dire, qui a beaucoup de rapports avec une personne. Bon, on va pas dire que c'est une prostituée, mais qui en a eu, on va dire, allez, 4-5, on va directement l'insulter. On va direct mettre une image qui va le coller au front, limite jusqu'à la fin de sa vie. Mais alors que quand c'est un homme ou un garçon, eh ben, on va dire que c'est normal et que la fille, elle a pas le droit et que le garçon, il a le droit. Pour les filles, elles doivent être de côté, elles doivent pas ressortir le soir. Et ça, je trouve pas ça normal du tout. Mademoiselle. Et ça veut dire quoi être nymphomane? Qu'est-ce que ça veut dire être nymphomane? Je vous invite à supprimer ce mot de votre langage. Nymphomane, c'est un terme machiste qui est écrit pour stigmatiser la sexualité féminine. Rafik, je vous en prie. Il m'a dit, c'est les gens qui sont accros au sexe. La nymphomanie, c'est un terme qui ne stigmatise... Enfin, pourquoi est-ce qu'il est stigmatisant? Parce qu'il ne s'adresse qu'à la sexualité féminine. Les nymphomanes, c'était un peu, pour les hommes de l'époque, les femmes qui vivaient leur sexualité. Mais ça a toujours posé un problème aux hommes que les femmes vivent librement leur sexualité. Qu'est-ce qu'on dit des hommes qui ne pensent qu'à la sexualité? C'est pas grave, c'est des hommes. Un macho. Ben, c'est un mec, c'est un macho. Mais une fille, c'est... Mais une fille, c'est, fais-le-moi en version élève de seconde. Une prostituée. Non, une fille de joie. Là, vous trompez les filles. Moi, je suis désolé, une jeune femme qui a une relation sexuelle avec un garçon, si elle se fait pas payer, c'est pas de la prostitution. Mais par contre, on a des termes pour qualifier ça. Si on veut la stigmatiser ou la montrer du doigt, on va dire que... Alors, les termes les moins vulgaires que vous connaissiez, chaudasse, pétasse. Oui, mais quand tu fais avec une seule personne, jeune Jean. Tu fais avec une seule personne, et ben t'es pas une chaudasse. C'est juste que c'est avec ton mec. Mais si tu fais avec plusieurs personnes, bah peut-être faut que tu te remettes en question. Qui est pas ton bon. Déjà, si une fille, elle veut faire je sais pas quoi, si elle veut devenir la plus grosse des je sais pas quoi, elle peut le devenir, c'est sa vie, c'est ses choix. Mais je comprends pas qu'on peut insulter les filles, mais pas les garçons. Enfin, je sais pas comment dire. Vous voyez les mots qu'on emploie pour les filles? Oui. Chaudasse. Voilà. Oui, voilà, c'est pareil. Je ne vous permets pas de me juger. Je fais ce que je veux de mon corps. Mais on est bien d'accord. Mais oui! T'as pas envie de parler? Non. Moi, en tout cas, je pourrais pas aborder ce sujet avec ma famille, même ma sœur, avec qui je suis proche, je pourrais pas aborder ces sujets, quoi. T'en as pas du tout parlé chez toi? Non, je pourrais pas. J'aurais honte et ça a trop me bloqué. Comme, je pense, ma sœur aussi, tout le monde, enfin, dans ma famille en tout cas. Après, je sais pas dans les autres, mais... Non, j'avoue quand même que c'est un peu... chaud, si je puis dire. Parce que... comment expliquer? Moi, si un jour ça devrait arriver, je me vois pas aller voir ma mère et lui dire « Ben voilà, il s'est passé ça. » Ça devra quand même arriver un jour, puisque eux aussi, dans tous les cas, ils veulent une descendance, forcément. Donc, voilà. Donc tu penses qu'ils sont pas contre le fait qu'il y ait toutes ces choses organisées à l'école pour vous donner des connaissances sur la sexualité? Ben non, je suppose que ça ne les dérange pas plus que ça. Tant qu'en gros, nous, à notre âge, ça ne nous influence pas à faire ce genre de choses, ben pour eux, ça ne les dérangerait pas plus que ça, je crois. En plus de ça, habiter dans des quartiers, enfin, Et faire ça dans un quartier, c'est quand même un peu chaud, puisque après, il peut y avoir des réputations, ce qui peut entraîner à des choses loin, pas seulement sur moi, mais sur ma famille. Donc après, elle essaye de prévenir aussi, pour pas que je tombe dans un mauvais vice, si je puis dire. Enfin, moi, je pense pas à ça maintenant, je m'en fous, en fait. Oui, mais quand j'ai, on a que 16 ans, voilà. 16, 15 ans, donc je pense qu'il y a encore le temps. Une longue période. Ouais. Mais ouais. Ça dépend de la religion. Ça aussi, ça joue dépend énormément. Pour qui, puisque après, tu peux dire que t'es d'une certaine religion. Et ne pas la suivre, oui, c'est vrai. En tout cas, pour les filles, dans la religion, en tout cas, il est interdit de le faire avant le mariage. Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Mais parler de sexualité, avoir des informations, ça veut pas dire avoir des rapports sexuels. En parler, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, moi, par rapport à ma religion, je ne ferai aucun acte par rapport à ça avant le mariage ou par rapport à ma religion, c'est tout. Désolée. Hein. Je trouve quand même qu'en parler avant le mariage, ça peut aider aussi, puisque vous imaginez maintenant, on arrive au mariage, nuit de noces, qui dit nuit de noces, ça dit la barrière qui va être franchie. Et on est bloqué puisqu'on connaît rien, qu'on a peur puisqu'on sait pas comment s'y prendre, etc., etc. Donc. Alors là, vous vous souvenez, on a dit au début de la séance qu'on allait essayer de vous donner un petit peu quelques informations. Il y a des mythes qui ont un peu la vie dure. Sur la première fois, par exemple, quand on interroge les jeunes femmes, enfin les femmes en fait, tout au long de leur sexualité, on leur demande ce qui leur donne du plaisir. Et il y a une information qui est quand même assez étonnante, c'est que la plupart disent qu'au début de leur vie sexuelle, la pénétration, c'était nul. Pourquoi on parle de ça en cours ? Alors, en fait, à l'école, on va assumer que on forme des citoyens. Pour former un citoyen ou une citoyenne, on donne tout un ensemble d'informations. Après, la façon dont vous allez choisir de gérer ces informations, c'est votre liberté. Mais dans le corps, par exemple, il y a un organe, dans le corps des femmes, il y a un organe qui s'appelle le clitoris, et c'est un organe qui ne sert à rien d'autre qu'à faire éprouver du plaisir. C'est une connaissance. Donc toi, par rapport à ta question, bah oui, si on en parle, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'existence du clitoris, y compris beaucoup de femmes. Hein. Alors, là, vous avez, je vous ai donné, vous pouvez les faire circuler, de maquettes de clitoris. Alors, vous les faites passer. C'est une impression 3D, hein, ça n'est pas un vrai. Alors, c'est en taille réelle. Alors, non, ça n'est pas un os. Je sais qui a dit ça. C'est exactement... Écoute-moi. C'est exactement comme le pénis. Le pénis, ça n'est pas un os. Le pénis, c'est un organe qui est érectile. Le clitoris, est fait exactement des mêmes tissus que le pénis. Donc, le clitoris est également capable d'érection. Et également, l'extrémité du clitoris à un très grand nombre de terminaisons nerveuses. C'est pour ça que c'est un organe qui est source de plaisir. Et qui est, pour l'essentiel, interne. En fait, les bulbes qui sont là, les deux ailes qui sont là, sont à l'intérieur, autour de l'entrée du vagin. D'où le fait que, en fait, le plaisir qui peut être lié à la pénétration, il est surtout lié au contact avec la partie interne du clitoris, qui est à l'entrée du vagin. Donc c'est pour ça que le fond du vagin, finalement, ne sert pas à grand-chose par rapport au plaisir. Ça veut dire que les mythes que vous entendez, parce que vous entendez ces mythes, vous les connaissez, clitoridienne vaginale, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendu parler, en fait, ça n'existe pas. Il y a un organe, c'est le clitoris. Ça veut dire que la taille du pénis n'est pas intéressante pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit un homme ou à une femme. En fait, la taille, ce n'est pas important. Tu t'affiches. Mais ça veut dire, est-ce que vous savez quelle est la taille moyenne d'un pénis en érection ? Elle a dit gros. 10. Un pénis en érection, la moyenne, c'est 14 cm. Et étant donné que, de toute façon, l'organe du plaisir chez les femmes, c'est le clitoris, ça veut dire qu'aller au fond ou se laisser bercer d'illusions par des images pornographiques qui vous disent que plus elle est énorme, mieux c'est. En fait, c'est faux. Vous préférez les grands pénis ? Après, c'est pas un bouton automatique. On a tous le même corps. Et pourtant, on ressent pas, tiens, on n'a pas les mêmes zones érogènes. C'est les zones qui donnent du plaisir. Plus après, il y a aussi le fait que dans le plaisir, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais en fait, quel est l'organe principal du plaisir ? Le clitoris. Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, mais l'organe qui donne le plaisir, qui ressent le plaisir, c'est le cerveau en fait. Et donc au final, voilà, tout est dans la tête. Une fois, c'est pas si, c'était si simple. Hein. On dirait des dents de vampire en fait. Moi, au début, je savais pas c'était quoi en fait. C'est après quand il a dit que j'ai compris. Tu savais quoi avant la séance? Comment tu te le représentais? Je me suis jamais représentée en fait parce que j'ai jamais pensé à ça, au clitoris. En fait, je savais que c'était un truc qui donnait. Si, je savais que ça donnait du plaisir, que c'est grâce à ça qu'on avait le plaisir chez les femmes. Mais je savais pas à quoi ça ressemblait en fait. Tout est gêné? En fait, j'avais connaissance de l'organe, mais pas de la forme. Et vous ? Ça m'intéresse pas tant que ça, en fait, de savoir quelle taille ça a, quelle forme ça a. Parce que c'est, du coup, c'est pas... Du coup, ce qui est à l'intérieur, c'est pas visible. Du coup, on se pose pas trop de questions. Ça change rien. Si, ça change un petit truc, je pense, par rapport... chez les hommes, la taille de l'homme pour procurer du plaisir, je sais pas quoi. Ça. Par contre, lui, de toute façon... Ça changera jamais rien au complexe de l'homme. On peut dire, ouais... Ça prouve que la taille du pénis, c'est un mythe, genre c'est pas si important que ça. Mais on pourrait dire ce qu'on veut. Pour un homme, il sera toujours fier de sa taille et ça changera rien. Genre, pour moi, même si on me sort des preuves, c'est un mythe, la taille, ça reste important. Ça dépend de l'ego du garçon. Exactement. C'est plutôt signe de virilité entre vous. Mais après, tu peux être un bon coup sans forcément avoir des organes génitaux hors normes. Et toi ? Moi, ça commence à me gêner. Du coup, voilà. Toi, t'es très pudique. Mais sinon, ouais, comme il dit, pour les hommes, ça reste un mythe. C'est comme, j'imagine, pour les femmes, leur mensuration, ça doit compter quand même. Du coup, on peut dire autant qu'on veut, ouais, la taille, ça compte pas. Bah, pour un homme, ça reste un complexe. Ça comptera toujours. Et toi, par exemple, en tant que fille ? J'ai jamais pensé, en fait. Je m'en fous, moi, que ça soit important ou pas. T'en es pas encore là. Là, je veux votre attention parce qu'il y a quelque chose d'important qui me semble important qui a été dit. Vous voulez bien le repréciser ? Que tout ce qui était caresse, etc., était dans le but de stimuler cette sensation, enfin cette excitation. Avant la pénétration. Donc, préliminaire, c'est ce qui fait monter la température du corps, monter l'excitation, qui crée l'envie chez les deux partenaires, et qui crée les conditions favorables pour qu'on ait une relation sexuelle avec pénétration. Le gars, il est tellement chaud qu'il ne peut plus attendre, il va y aller. Hein. Mais il va aller où ? Il va faire sa pénétration. Parce qu'il y a des garçons, ils n'arrivent pas à calmer leur excitation. Et si la meuf, elle veut pas ? Si elle veut pas, elle veut si pas. Elle passe un viol. Tu vas pas la violer. Il n'y a pas possibilité juste que ça s'arrête. Si lui, il veut, la femme, elle veut pas, il force, c'est un viol, c'est tout. La femme, elle a un comportement si elle veut. Et si elle veut pas, elle a un autre comportement. Mais après, c'est aux garçons de savoir juger. D'accord. Comment on fait pour être sûr qu'on a reçu le bon message ? Comment est-ce que je fais pour être sûr ? Je vous donne un exemple tout de suite. Quand un homme invite une femme à boire un dernier verre chez lui, la femme, elle sait très bien ce qui va se passer. Donc, ça vaut consentement. Sous-entendu, une fille qui accepte de boire un dernier verre chez un garçon ou qui inviterait un garçon à boire un dernier verre, elle, en gros, ce qu'elle l'inviterait, c'est « viens à la maison, on va faire l'amour, on va y avoir pénétration ». Ça dépend en fait du comportement de la fille. Par exemple, si c'est amical, un dernier verre, ça peut être amical. Allez, même chez, par exemple, un meilleur ami, de l'amitié. ça va pas forcément se transformer en rapport sexuel. Mais même quand depuis tout à l'heure que vous parlez, si une fille a fait cric-crac-boum et tout, genre ça va être direct une pute et tout, mais en fait c'est juste à cause de la société en fait, parce qu'elle a pas évolué. Mais attention mademoiselle, qui fait la société ? Nous. Eh ouais, nous aussi. Maintenant, l'amour maintenant c'est devenu rare de nos jours. Généralisme, mais qu'on veuille ou non, bah, du moment qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils s'en fichent un peu. Enfin, je veux dire, même si on disait non, bah, de toute façon, ils sont plus forts. Donc, qu'on dise non ou pas, ça change pas grand chose. On se dit, bah oui, bah, fallait pas parler avec lui, fallait pas rester avec lui, mais on te l'avait dit. Bah, c'est tout. Enfin, c'est trop courant. C'est beaucoup trop banal. Tu veux dire, toi, t'as des amis à qui c'est arrivé, ou c'est ça ? Ouais, j'ai des amis à qui c'est arrivé, puis j'ai des amis garçons aussi qui le font. Donc voilà, c'est... Qui font quoi ? Bah, ils voient une fille, elle leur plaît, qu'elle soit d'accord ou pas, ils s'en fichent un peu. Une fois qu'ils sont lancés, elle est faible, donc elle peut pas faire grand-chose. Puis au final, ça arrive. Et ça, justement, dans les séances d'éducation à la sexualité, c'est aussi des choses dont on vous parle. Oui. Bah, quand on parlait des rapports sexuels, on parlait du consentement. Quand un homme, il veut, mais que la femme, elle veut pas, bah, elle veut pas, donc il se passe rien, normalement, logiquement. Voilà. Ouais, la majorité des mecs avec qui je traîne, bah, ils s'en foutent un peu du consentement. Par exemple, j'avais un ami, il voulait sortir avec une fille, mais il adore faire ça. Bah, à chaque fois que j'ai demandé s'il a des sentiments pour lui, il me répondait non. Je lui disais juste, elle m'intéresse. Sortir avec un maximum de filles pour se faire remarquer. On a un petit film à vous passer. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu veux boire un thé ?» Et la personne répond « Oh mon Dieu, putain, ouais, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci !» Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire, d'accord ? La personne pourrait aussi dire « Oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part. » Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire le thé. Ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit « Oui, tout à l'heure, d'accord. » Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe ? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Une femme qui n'accepte pas de coucher avec quelqu'un, enfin qui s'est violée, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, dans l'ordre, lorsqu'on est victime d'une agression sexuelle, avec ou sans pénétration, c'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir viol, mais ça peut être une extrême violence, on va porter plainte. La définition du viol en France, introduction d'un doigt, d'un sexe ou d'un objet dans un des trois orifices sexuels, l'anus, le vagin et la bouche. Alors, ce n'est pas qu'on peut se faire violer par la bouche, c'est que si on impose l'introduction d'un doigt, d'un sexe ou d'un objet dans votre bouche, on considère que c'est un viol. La seule façon d'arrêter un agresseur sexuel et les gens qui sont dans ce fonctionnement-là, c'est de les dénoncer. Ce sur quoi comptent les agresseurs sexuels, c'est le silence de leur victime. C'est qu'ils vont se dire, la personne a honte, elle ne se plaindra pas. d'accord, ou je vais la menacer. Je te préviens, si t'en parles, je vous tuerai toi et toute ta famille. Sur la question du viol, donc j'avance. Si j'ai été victime d'une agression sexuelle, je dis victime parce que je ne suis responsable de rien. Dans un viol, on est victime à 100%. Vous parliez du consentement tout à l'heure, c'est exactement de ça dont il est question. Absolument pas. Dans la loi, il n'y a pas de la question de la tenue vestimentaire. Il n'est pas question d'une attitude. Enfin, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut, est-ce qu'à chaque fois qu'on se chauffe, ça va forcément se terminer sur une relation sexuelle? Je sais pas. Enfin, ça va à l'éjaculation, non? Enfin, je... Et pourquoi forcément aller jusqu'à... Pour moi, en fait, t'es... Enfin, on va dire un peu pour le viol, parce que quand une femme, elle dit non, c'est non. Enfin, que ça soit un homme ou pas, non, c'est non. Même si elle peut te chauffer jusqu'à je sais pas quoi. Et voilà, il n'y a pas de discussion. Donc, si tu as des envies, tu vas voir ailleurs avec une personne qui le veut pas avec une personne qui dit non. Oui, il y a des prostituées spéciales pour ça, en fait. La question du consentement, en réalité, c'est d'aller justement explorer cette dimension. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on venait venu pour les mêmes choses? Peut-être plus tard. Peut-être, c'est-à-dire que lorsque vous avez cette position, vous êtes en train de me dire, tu n'as pas le droit de regretter, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Non. T'es parti, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Non, c'est pas ça, mais c'est pas quelque chose de simple, si j'ai bien compris. Oui. La soudure. Oui, pourquoi est-ce que le mot soulever soulève autant de réactions? En général, il y a toujours un garçon par groupe, qui en général prend cher parce que les filles, ce qu'elles disent sur l'ambiance. Non, mais là, ça va pas se passer pareil. Et on a l'impression que les profs ont beau vous dire que les filles sont libres et qu'il y a une égalité filles-garçons, ça a pas l'air de changer beaucoup l'ambiance dans les couloirs ou dans le quartier sur ce qu'on dit aux filles. Pas du tout. C'est parce que le quartier est relou. Tellement qu'on est habitué par, pas une tension, mais dans une cité, comme nous on habite, par exemple, on va se mettre, même un débardeur, tu vas te sentir mal, un jean déchiré, juste où on voit ton genou, ça va te faire mal, même moi carrément, avant je mettais tout en des robes, mais maintenant je mets même plus de robes, mère elle m'en achète, ça sert à rien, je les mets jamais, juste parce que je sais que genre, les garçons quand ils vont me voir, ils vont penser à quelque chose, et je vais voir qu'après ils vont m'envoyer des messages ou je sais pas quoi. Genre toujours, ça sera mal vu les choses. Tu veux être féminine, ça sera mal vu. Tu vas parler avec un garçon, ça sera mal vu. Par exemple, moi et mes copines, on faisait du foot ou de la boxe. Ouais, pourquoi tu fais le garçon? Mais quand tu veux être un peu fille, ça va faire une réputation. Tu sais plus quoi faire, t'es bloquée. Et en plus, c'est même pas les actes, c'est juste le regard insistant sur nous quand on porte juste un débardeur ou un jean déchiré en mode... On dirait qu'ils ont jamais vu de fille de leur vie. Mais il y a des gens, quand ils voient des belles filles, ils veulent aller les voir. Ils ont le droit. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Par exemple, je suis en débardeur ou en robe. Mm-hmm. Ton pote, il dit, ouais, mais une robe moulante, on voit ses fesses, nan, nan, nan. Tu vas pas la défendre, tu vas pas dire, bah, allez, c'est une fille, elle met une robe, c'est normal. Tu vas le laisser parler? Non. Moi, je te dis que tu vas pas dire ça. Non. Faites ce que vous voulez. Ok, d'accord. Juste une question. Demain, ta sœur, elle s'habille comme ça. Ah, c'est pas la même, hein. Voilà. Non, mais attendez, laissez-moi parler, j'allais en venir. C'est pas la même. S'il y a une fille qui peut, par exemple, mettre une robe ou une jupe ou un truc comme ça, elle est libre de la mettre. Mais si je vois ma petite sœur en jupe, je vais pas la laisser. Parce que toi-même, tu sais que les garçons, ils vont la regarder. Ouais, et j'ai pas envie. Voilà. Ta sœur, elle est bloquée comme nous, on est bloqués. Comment ça? Ta sœur. Toi, tu la bloques parce que tu sais très bien que les garçons, ils vont la regarder, ils vont avoir des illusions bizarres. Ben, elle, sa situation à ta sœur, c'est comme nous. Et comme des filles qui sont, par exemple, 18 ans ou des choses comme ça. Il y en a même, maintenant, ils s'habillent tout le temps en survêt à la place de s'acheter des trucs féminins. Pas parce que les survêtes, c'est classe. N'importe quoi. C'est juste pour recopier tout le monde, pour que ça soit tout le monde pareil. Vous n'êtes pas original. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire... Comme personne peut s'habiller comme il veut, bah, tout le monde va s'acheter une tenue de sport la même. Oh, parce que par exemple le Real, tout le monde va mettre le survêt et la fille aussi. J'aime le Real, c'est bon. Dis-moi pas que tu mets une robe parce que les robes c'est beau. Dis que tu mets une robe parce que tu veux plaire. Non. Bon. Vous nous donnez pas le choix, c'est vous, vous nous faites penser à ça. Vous faites penser quoi? Ben que ça fait ça. Par exemple, même quand vous parlez librement d'une fille, ah, elle a mis une robe, je vais y aller la voir, hein. Je vais la coller, nanani, nanana. Qui dit ça? Arrête de mentir, les garçons, faut arrêter. On va. Mais est-ce que j'ai dit tout le monde? Là, on est là pour parler. Est-ce que j'ai parlé de ton cas? S'il y a un garçon trop belle, c'est pas de ta faute. Merci. Attends, je rigole. Mais on n'a pas le droit de se faire belle pour nous. Avoir la dernière paire de chaussures pour nous. Non. C'est les gens qui pensent. Ben voilà, mais c'est comme. C'est qui a commencé? C'est par rapport à vous, les garçons. Comment vous nous faites penser par. Je sais pas comment vous nous montrez, nous, les filles. Ben maintenant, regardez, on finit par quoi? Alors, on se doute bien qu'on ne peut pas tout traiter en 2 heures. C'est à la fois long et en même temps, c'est un peu court. Alors, je prends peut-être un mythe dont on n'a pas du tout parlé, qui est le mythe de la virginité. Est-ce que... Jamais eu de rapport de pénétration. Donc, si on n'a que des rapports avec la bouche et le sexe, par exemple, on est toujours vierge. C'est l'intervention du professeur de SVT qui va vous éclairer sur ce point. Non, ça va être gênant. Qu'est-ce que c'est que l'hymen? L'hymen, c'est une membrane qui se trouve à l'entrée du vagin. Alors, ça, c'est un vagin. Ça, c'est des bords parallèles. C'est schématique. Vous voyez à peu près, je sais, mon dessin n'est pas génial. Le vagin, au départ, chez l'embryon, je parle très jeune, c'est un canal, mais qui n'est pas ouvert sur l'extérieur. Quand là, vous aviez de la peau. Et au cours du développement embryonnaire, ce canal s'allonge jusqu'à communiquer avec l'extérieur. Et parfois, bah, il reste une petite membrane de peau. C'est ça l'hymen, qui est ouvert, hein, sinon les règles ne pourraient pas sortir. Mais il y a des filles chez qui le vagin s'est totalement ouvert. Donc qui sont nées sans hymen. Il y a des filles qui naissent sans hymen. Et inversement, il y a des hymens qui sont très souples et qui donc ne se déchirent pas. Jamais. Si on vous dit qu'il y a 30% des femmes qui naissent sans hymen, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de tissu, que ça ne saigne pas et que ça fait pas mal? Bon, bah, ça veut dire que pour ces 30% de femmes-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, il y a une méfiance et une peur en fait, de créer des problèmes et mettre de la honte sur la famille, en fait, un truc comme ça. Vous choisissez que pour vous, la virginité, c'est important. C'est un choix. Mais à ce moment-là, on va parler de confiance, on ne va pas parler d'anatomie. Mais il y en a qui pensent que c'est important et... Donc parce que c'est important, on accepte juste les mensonges et on les perpétue? Non, pas du tout, j'ai pas du tout dit ça. J'ai juste dit qu'il y a des femmes qui font ça pour sauver les mains de leur famille et par obligation. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie de débat. Parce qu'en fait, à ce sujet, ce qui m'a fait tourner une question dans ma tête pendant toute l'heure, c'est pourquoi, en fait, dans le principe de laïcité, on devrait ne pas parler de religion, devoir tout cacher de notre religion, mais on devrait parler de sexualité et parler de plaisir et tout. Par exemple, avec nos parents, nous, on n'en parle jamais. Impossible, ouais. C'est vraiment super tabou. Mais du coup, une fois arrivé en cours et on nous pose le sujet comme ça, et qu'on en vient à parler de plaisir, bah, forcément, il y a des gens qui sont gênés et qui préfèrent ne pas en parler. Bah, voilà. Et toi, avec ça, t'en es où? Moi, avec ça, je suis mitigé. Genre, je reste très pudique, mais j'ai pas de mal à en parler. En fait, ce sujet, pris à la rigolade, tout le monde en parle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pris sérieusement, tout le monde rentre dans son trou, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu penses que la règle des familles qui sont conservatrices, c'est quoi? C'est de, il faut rien savoir ou il faut pas avoir de vie sexuelle? C'est quoi qu'il y a derrière comme idée? L'idée qu'il y a, c'est d'éviter la question pour, encore une fois, éviter de tomber dans ce qu'on appelle... la perversitude ou la ce que certains appellent la dissidence, parce que pour beaucoup ce sujet c'est sujet à une descente aux enfers carrément. La perte de la foi. En parlant, si une personne en parle beaucoup, forcément dans sa tête, elle va se poser beaucoup de questions, elle va chercher à s'informer, pourquoi pas à tester. Et voilà, je pense que, par exemple, une famille conservatrice musulmane n'aimerait pas que leur fille teste une relation sexuelle à 15-16 ans, hors mariage. Et c'est ça l'idée, éviter d'en parler pour éviter le pire. Et toi, tu penses quoi, toi, de cette idée que ne pas en parler, c'est protéger ses enfants, ça fonctionne? En fait, moi, si j'étais père d'un fils ou d'une fille, je dirais pas, les relations sexuelles, c'est mal, c'est toujours mal, c'est mal, c'est mal. Mais je garderais quand même un aspect traditionnel. Genre, pour moi, mes enfants, pas avant le mariage. Pas avec n'importe qui. Et voilà. Et du coup, l'école, ça permet de faire un peu son idée sur de pas avoir que la réponse familiale. Bah ouais, je pense que vu que l'école, c'est pour les jeunes, c'est le, je pense que c'est le principal agent de socialisation pour les jeunes. C'est sûrement le principal avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Du coup, c'est une bonne chose de pouvoir se forger un avis en dehors de sa famille. Genre s'adapter à la société, ou vivre en société, ou avoir des questions de société comme ça. Mais non, c'est la même chose sans sa mère, je suis désolée. Mais tu vois, je suis pas une meuf, tu peux pas savoir. Peu importe comment tu sors. Non, calme, doucement. Toi, tu sais pas c'est quoi d'être une meuf, tu peux pas savoir t'es un gars. Attends, laisse-moi parler. Quand par exemple, une meuf elle se promène en short dans la rue, tous les gars ils se retournent sur elle, ils la draguent et tout. Toi, est-ce que quand tu te promènes en short, on vient de draguer? Attends, nous est-ce que nous on vient de draguer parce que t'as des belles jambes? Hein? Non, attends, j'ai pas fini. Quand tu te promènes dans la rue, tu dois aller acheter ton pain, t'es en pyjama, les cheveux comme ça. Il y a des darons qui viennent te draguer. Est-ce que toi tu vis ça? Est-ce que toi tu vis ça? Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Non, tu sais pas. C'est bon. J'ai pas fini, mais c'est bon. Arrêtez là. Si on veut que la société évolue, mademoiselle, on n'a pas le choix. Il faut en débattre. Donc, le plus compliqué, c'est d'amener ces deux parties, que sont les garçons et les filles, les hommes et les femmes, à trouver un lieu, un espace où on va pouvoir échanger. Si on passe pas par là, la société, elle restera comme tu l'as dit, hein, ça va pas bouger. Donc c'est aussi votre responsabilité à vous. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Je voulais vous remercier pour la bienveillance dont vous avez fait preuve les uns envers les autres. Faites attention à vous et au plaisir de vous revoir. Il y a une meuf qui met une jupe. Il y a des gars, ils vont la poster, ils vont la regarder. Ça encore, ça va, il n'y a pas de mal. Mais genre, ils vont venir. Ouais, t'es bonne. Genre, ils vont pas la taper. Ouais, t'es une grosse salope. Je crois que ça, c'est du respect, ça. Alors que quand il y a un gars, genre, il va pas cuculer une meuf. C'est pas grave. Il y en a, elles vont forcer. C'est pour moi. Je sais pas. Allez, on va. Elle met la casquette. Merci aux élèves et à toute l'équipe pédagogique du lycée Louise Michel de Bobigny, à Aude Paul, Eude Touan, Michael Merlet et Siam Lazazi. Merci au CRIPS, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida, et à l'infirmière scolaire Nathalie Tétard. Quelques séances d'éducation à la sexualité, une émission de Delphine Saltel, réalisée par Vincent Deck. Sexologue, puceau, experte, stérile ou pornographe, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour enfin savoir répondre aux questions que vos enfants ne vous posent pas, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster au lycée ou nous réécouter pour le cours de SVT, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, prolongez notre série à l'écoute de la journée spéciale autour des débats du Forum France Culture consacré aux liens entre sexe et pouvoir dans la fabrique de l'histoire, les nouveaux chemins, la grande table, entendez-vous l'écho et la méthode scientifique. Et la semaine prochaine, les écrivains nous parleront d'amour.